Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, l'affaire des Pentagon Papers. Ce document est une chose de grande importance pour le peuple américain de savoir exactement comment le gouvernement américain a fait l'escalade de la guerre de Vietnam, et ça va aider au peuple américain d'empêcher une escalade comme ça dans un autre pays à un autre temps. Quand le New York Times démarre la publication de sa série d'articles sur ce qu'on a appelé les Pentagon Papers le 13 juin 1971, c'est l'état de choc aux États-Unis. La population américaine découvre tout à coup que son gouvernement lui ment depuis des années au sujet de la guerre du Vietnam. C'est ce qui fait dire au journaliste Pierre Salinger que la publication de ses articles était d'une importance capitale sur le plan même de la démocratie. Car en publiant des informations extrêmement sensibles sur le plan politique et militaire, mais dont l'intérêt public est incontestable, le New York Times et d'autres journaux, par la suite, exercent tout simplement, mais complètement, leur rôle de contre-pouvoir dans une société libre et démocratique. C'est une atteinte très grave à la sûreté nationale. La fuite vient du Pentagone. Il s'agit de documents ultra-secrets sur la guerre. The Times a mis la main sur 7000 pages qui confirment que la Maison-Blanche ment à propos du Vietnam depuis 30 ans. Tous ces mensonges, il est temps que ça finisse. Faisons notre travail. Trouvez ces pages. Vous vous apprêtez à dévoiler des années de secrets du gouvernement. Est-ce légal? Mais qu'est-ce que vous croyez qu'on fait comme travail ici? Ben, j'ai peut-être quelque chose. Ce bagage doit être précieux. C'est juste des secrets d'État. La Cour fédérale a ordonné au New York Times de suspendre la publication des documents en lien avec la guerre du Vietnam. Si vous publiez, nous serons en Cour suprême la semaine prochaine. Ce qui veut dire ? Qu'on pourrait tous aller en prison. Si le gouvernement gagne, le Washington Post cessera d'exister. Si nous, nous leur demandons pas de compte, alors qui le fera ? Mais nous ne pourrons pas leur demander de compte si nous n'avons plus de journal. Qu'est-ce qui va arriver si on ne publie pas? Nous perdrons! Le pays perdra! Extrait de la bande-annonce du film The Post, réalisé en 2017 par Steven Spielberg, qui raconte l'affaire des Pentagon Papers dans la perspective du Washington Post, qui va prendre le relais, de fait, du New York Times dans la publication des Pentagon Papers, pour nous raconter cette saga où s'affrontent deux visions, celle de la protection du secret d'État à celle de la liberté de presse et du droit du public à être informé. Je reçois Karine Prémont, collaboratrice régulière de l'émission, professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Karine Prémont, bonjour. Bonjour. Où se situe ce scandale des Pentagon Papers sur l'échelle sismique, Karine Prémont, des grands tremblements de terre politiques américains? En fait, les Pentagon Papers, c'est probablement le scandale le plus important de politique étrangère parce qu'au niveau intérieur, on a le Watergate, qui est quand même pas rien, mais c'est un des scandales de politique étrangère les plus importants parce que ça remet en question ce lien de confiance entre la population américaine et son président, en fait, parce qu'aussi incroyable que ça puisse paraître aujourd'hui, jusqu'alors, on ne pensait pas que les présidents pouvaient nous mentir. Ouais. Et là, on a la preuve noir sur blanc que ça fait plusieurs années, en fait, qu'ils le font. Sur trois décennies? Sur trois décennies des présidents démocrates républicains sur cet engagement américain au Vietnam qui était beaucoup plus important que ce que les gouvernements avaient laissé sous-entendre. Alors, avant d'aller plus loin, dites-nous très concrètement, très précisément, de quoi on parle quand on parle des Pentagon Papers. On parle de nombreux documents qui sont très confidentiels, qu'on va appeler... c'est un long titre. C'est un rapport qui avait été préparé par le secrétaire à la Défense, Robert McNamara, à la fin des années 60, pour justement faire le point sur cet engagement au Vietnam. On parle d'environ 7000 pages de documents. C'est beaucoup, donc des pages d'analyse, des pages de documents de première main, 47 volumes, donc c'est colossal comme document. Ce sont des documents secrets qui viennent de la CIA, de la Défense, du Département d'État essentiellement. Et qui dresse ce portrait du processus décisionnel au Vietnam depuis Truman jusqu'à Johnson. Et McNamara, en fait, son idée, c'est... il faut se remettre dans le contexte. On est en pleine guerre du Vietnam, c'est un bourbier, on ne sait plus trop où on en est. L'idée, c'est d'avoir un bon portrait, de faire l'état de la situation. C'est de dire, ben, rappelons-nous d'où on est parti, ouais. Quels étaient nos objectifs. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a réalisé, en fait, jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qu'on fait là, finalement? Ouais. Tout à ouais. fait. Ouais. Et là, avec cette analyse-là, on va se rendre compte que finalement, on ne sait pas trop ce qu'on fait depuis le début. Ouais. L'homme derrière ce scandale des Pentagon Papers, c'est Daniel Ellsberg. Qui est-il, Daniel Ellsberg? Daniel Ellsberg, c'est un ancien Marine. C'est quelqu'un qui est un analyste des questions de sécurité et de défense, qui travaille à la RAND Corporation, mais qui a aussi travaillé au bureau du secrétaire à la défense des États-Unis. C'est aussi quelqu'un qui a étudié avec Kissinger quand Kissinger était professeur à Harvard. Donc, c'est quelqu'un ce sont des gens qui se connaissent ouais. À cet égard-là. Et c'est quelqu'un qui a fait la guerre du Vietnam. Donc, il est allé faire son tour au Vietnam et qui était en faveur de la guerre, considérait qu'il fallait défendre les alliés américains contre le communisme, mais qui change d'idée quand il va au Vietnam, effectivement, parce qu'il va réaliser à quel point la situation sur le terrain est tout à fait différente de ce que la Maison-Blanche en raconte depuis fort longtemps. Et ça va profondément le déranger. Il va être choqué, en fait, de cette espèce d'hypocrisie. Puis on y revient dans un instant, parce qu'il y a un exemple. L'étincelle, elle est en soi une petite histoire dans cette plus grande histoire, mais pour connaître un peu le contexte dans lequel Daniel Ellsberg est ce qui va finalement le décider en quelque sorte à passer à table, on l'écoute parler de sa démarche au fond, qui va se faire par étapes dans le documentaire radio La 11e heure, diffusé au mois d'août 1998. Nixon avait décidé de maintenir l'objectif d'un retrait mutuel. Il voulait forcer l'adversaire à l'accepter. Cela lui apparaissait comme une sorte de victoire pour les États-Unis. Il menaçait les Vietnamiens d'une extension aérienne du conflit. S'ils n'acceptaient pas ces conditions de retrait, ils reprendraient les bombardements du Nord-Vietnam plus violemment que sous Johnson. Il envisageait même le recours aux armes nucléaires. Je me demandais ce que je devais faire. J'ai senti que j'avais eu tort de me taire en 1964 et en 65. L'invasion du Cambodge a eu lieu en 70, celle du Laos en 71. C'est-à-dire après que j'ai donné les papiers du Pentagone à Fulbright. Il est clair que cela n'a pas été suffisant pour empêcher ces invasions. En 71, je doutais que cela produise beaucoup d'effets de sortir ces papiers. Mais j'étais assez désespéré à l'époque pour faire tout ce que je pouvais afin de mettre fin à cette guerre. Même si cela impliquait la prison à vie, comme je le supposais à l'époque. Daniel Ellsberg va se tourner, se tournant pas tout de suite vers le New York Times, il va d'abord, Karine Prémont, se tourner vers l'administration publique, il va essayer de sonner l'alarme dans l'administration publique, dans les milieux politiques, au Congrès américain. Mm-hmm. D'ailleurs, le Fulbright dont parle Ellsberg dans cet extrait, c'est le sénateur démocrate William Fulbright. Mais revenons au début, parce que là, on a fait avec lui un petit peu tout son trajet, là, qui va durer quelques années. Revenons au début, à cette fameuse première étincelle qui fait qu'il décide, en quelque sorte, de sortir du placard. Bien, en fait, c'est lorsqu'il revient de son tour du Vietnam, il partage un avion avec Robert McNamara et c'est là où il se dit « je vais lui parler de ce que moi j'ai vécu, de ce que moi j'ai vu » puis essayer de voir un peu quelle est sa stratégie puis comment ça se fait qu'il y a cette dissonance-là entre le message public et la réalité du terrain. Et donc, il va lui dresser un portrait plutôt sombre de sa réalité sur le terrain. McNamara l'écoute, est attentif, tout ça, mais en sortant de l'avion... C'est plutôt d'accord avec lui. Plutôt d'accord, mais en sortant de l'avion, il y a des journalistes et McNamara, en fait, se vante et explique à quel point il est allé au Vietnam et ce qu'il a vu, c'était bien mieux que ce qu'il escomptait et que donc la stratégie fonctionne. Ouais. Et ça va complètement ébranler, évidemment, Ellsberg. Il va réaliser que la Maison-Blanche ment de façon franche et claire aux Américains parce qu'il sait très bien que McNamara partage son point de vue. Ouais. D'ailleurs, il va démissionner pas longtemps après. Mais... Donc, c'est hypocrisie-là. Tout à fait. Ouais. Pour des motifs politiques, on ment aux Américains. Et c'est là qu'il commence sa campagne. Là. Il veut que ça sache. Oui, parce qu'il va être assigné au Pentagon Papers. C'est lui qui va travailler notamment au papier de la CIA pour réaliser ce rapport-là, qui va décortiquer un peu et analyser les documents de la CIA. Alors, là, il se rend compte de l'ampleur de ce mensonge-là, au-delà de son expérience terrain. Là, il a une expérience d'analyste. Il a une expérience de « j'ai les papiers dans les mains » et c'est encore pire que je pensais. Alors là, il va tenter d'abord de convaincre d'autres analystes de ce point de vue-là. Il va parler au sénateur Robert Kennedy aussi. Il va lui dire « écoutez, voici ce qui se passe, ça n'a pas de bon sens. » Et là, la frustration va croître parce que personne ne veut toucher à ça. Personne ne veut se mêler de ça et on comprend la position de Robert Kennedy puisque son frère et son administration étaient mêlés à ça. Et il va essayer d'alerter ensuite différents leaders politiques du Congrès. Fulbright, il en a parlé. Fulbright, c'est un sénateur qui est très influent parce qu'il est président du comité sénatorial des affaires étrangères. Ellsberg va lui parler en novembre 69, donc ça fait déjà là, quelques années qu'il tente de sonner l'alerte, en fait. Et Fulbright va demander à trois reprises à Melvin Laird, qui est le secrétaire à la Défense, d'obtenir la copie des Pentagon Papers et il n'aura jamais de réponse à son message. Mais Fulbright ne va pas aller de l'avant. Alors Ellsberg va se tourner vers George McGovern, un autre sénateur démocrate du Dakota du Sud, qui sera candidat présidentiel en 72, qui lui a dit « Écoute, moi, je ne touche pas à ça, je ne veux pas être mêlé à ça. » Et donc, devant ces refus-là, là, il cherche une porte de sortie parce qu'il continue à penser que la situation ne s'améliore pas. Il faut que ce soit su. Ouais. Parce que Nixon continue, en fait. Ouais. Il va donc se tourner vers le New York Times et c'est vers Neil Sheehan qu'il va se tourner. Pourquoi Neil Sheehan? Parce qu'il l'a rencontré au Vietnam. C'est un journaliste à qui il a déjà fourni de l'information confidentielle par ailleurs pendant qu'il était au Vietnam. Donc, ils ont développé une complicité, une amitié sur le terrain. C'est un super journaliste aussi qui a une bonne réputation. Une solide réputation. De vedette, exactement. C'est un journaliste irréprochable. Alors, c'est vers lui qu'il se tourne de retour à Washington en lui disant « Écoute, j'ai tout essayé, mais voici, je te donne une copie des Pentagon Papers. Lis ça et tu vas comprendre pourquoi. » Évidemment, Sheehan, il comprend très, très vite très ce vite. Qu'il a entre les mains. Racontez-nous brièvement, mais ça vaut le détour, comment ça se passe. Là, il faut se mettre dans le contexte. Comment ils vont réussir, Neil Sheehan et sa petite armée, sa petite brigade, à monter ce qui va devenir les Pentagon Papers publiés par le New York Times? Bien, en fait, ils vont s'isoler dans une chambre d'hôtel incognito, une petite équipe de journalistes et d'analystes, et ils vont décortiquer ces documents-là. On se rappelle que ce sont des photocopies de photocopies, souvent, qui arrivent là, par morceaux, qui ne sont pas nécessairement numérotés, qu'il faut reconstituer. Alors, on parle de 5000 pages, alors c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et pendant des semaines, là, ils vont travailler, Sheehan et son équipe, à reconstituer un peu l'histoire de cet engagement américain. À dégager des lignes de force, des lignes d'analyse, en fait. Oui, exactement. Essayer de comprendre le fond de ça. Ils vont rédiger une série d'articles là, qui va permettre justement une publication rapide une fois que le travail d'analyse sera fait. Et le 13 juin 71, quand le New York Times sort la nouvelle, qu'est-ce qui est publié ce matin-là dans le journal? Qu'est-ce qu'on apprend aux Américains? Là, on apprend, on vous ment depuis des années sur le Vietnam. John Kennedy était impliqué dans l'assassinat des frères Diem, qui est considéré comme le point tournant là, du bourbier américain. On apprend que l'impact des bombardements intensifs est à peu près nul, alors qu'on dit que ça va briser le moral de l'ennemi, etc. Donc, on réalise que ça ne vaut absolument rien. Et on comprend que le niveau d'implication des États-Unis depuis Truman est beaucoup plus élevé que ce qu'on pensait, notamment dans l'aide que les États-Unis fournissaient à la France sous Truman. Et là, les Américains sont complètement soufflés par ces informations-là, surtout que le New York Times promet une série d'autres articles qui va révéler encore plus de choses sur ces mensonges, sur ces doutes sur la mauvaise gestion de la guerre du Vietnam par les administrations. Donc, coup de tonnerre dans le ciel américain, une population qui découvre qu'on lui ment. Donc, j'imagine un cynisme. Les gens doivent être presque en colère à ce moment-là. Les gens étaient en colère, les gens essayaient de comprendre pourquoi. Et la population américaine n'a jamais vraiment récupéré, on dirait, de ce bris de confiance-là, comme on disait au début de l'émission. Depuis cette époque, et avec le Watergate qui va s'ajouter, on n'a jamais réussi à faire de nouveau confiance au président par la suite. Ça, c'est un point tournant dans cette relation entre la population et les présidents. La première réaction de l'administration, on va parler évidemment de l'impact politique que ça va avoir et de la façon dont l'administration Nixon va gérer cette crise, ce scandale. Étonnamment, en tout cas, a priori, on peut penser que c'est étonnant, la première réaction de l'administration Nixon à la publication des Pentagon Papers est plutôt passive. On écoute à nouveau le journaliste Pierre Salinger au moment où sort l'histoire. Je ne sais pas exactement qui a donné les documents au New York Times, mais quand on a une affaire comme ça dans le gouvernement, il faut voir qui est le grand gagnant par la publication de ces documents. Il n'y a pas de question que le grand gagnant dans cette affaire, c'est le gouvernement actuel de M. Nixon, parce que ça montre qu'est-ce qui est passé pendant l'administration de M. Johnson. Ça renforce la politique de M. Nixon qui est de sortir du Vietnam aussi tôt que possible. Et si le sujet du Vietnam, et ça va certainement être dans l'élection de 72 un sujet central, il peut utiliser ces documents contre les candidats actuels démocrates. Si l'administration Nixon réagit d'abord assez positivement, Karine Prémont, à la publication des Pentagon Papers, le ton va quand même assez rapidement changer. Le président Nixon va monter le ton assez rapidement. Comment décrire la réaction de cette administration, la façon dont la Maison-Blanche va gérer cette affaire des Pentagon Papers? Mais d'abord, cette absence de réaction, c'est parce qu'on comprenait bien que ça éclaboussait surtout les administrations démocrates, parce que de Truman à Johnson, il y a Eisenhower qui avait été un républicain, donc on était plutôt content en fait, de ce revirement de situation, surtout proche des élections présidentielles. Mm-hmm. Mais c'est Henry Kissinger, qui est conseiller à la Sécurité nationale, qui va dire à Nixon, cette fuite-là, là, c'est préjudiciable pour nous, ça va causer du dommage irréversible pour notre administration, mais aussi pour la politique étrangère américaine, parce que, d'abord, ça démontre l'incapacité du président à garder le contrôle sur ses employés, ça démontre l'incapacité du président à protéger le secret gouvernemental. Et plus important encore, cette fuite-là va compromettre les négociations en cours avec la Chine, avec l'URSS, avec le Vietnam, parce que là, ces pays-là vont craindre que leur position soit révélée dans les grands journaux américains. Alors là, la panique va s'installer. Et là, Nixon se rappelle ce sabotage qu'il a effectué à la fin de la campagne de 1968 quand il a court-circuité les négociations en cours entre Johnson et le Sud-Vietnam. Et là, il se dit, s'il fallait que ces documents-là sortent, je suis cuit. Alors, il faut absolument boucher les fuites, il faut colmater tout ça. Parce qu'on le rappelle, à ce moment-là, pour des motifs électoraux, Nixon, on est peut-être, Johnson est peut-être pour sauver l'élection de 68, pour permettre à son successeur Humphrey de passer à l'élection de 68. Johnson se dit, on arrive à un accord avec le Vietnam. Nixon le sait, et pour des motifs électoraux, il bousille cette entente-là. Oui, il dit aux Sud-Vietnamiens, ne négociez pas avec Johnson, attendez que j'arrive, je vais vous donner de meilleures conditions. Et c'est exactement ce qui va se passer. Alors, voilà ce qui explique que le ton va se durcir. Tant et si bien que ça va se terminer devant les tribunaux. Mm-hmm. Ça va se rendre jusqu'en Cour suprême, cette affaire-là. Oui. Sur quoi doit se prononcer la Cour et quel va être le verdict de la Cour suprême? La Cour doit se prononcer de façon très simple sur ce qui prime entre la liberté de presse et le secret gouvernemental, la protection de la sécurité nationale. Et la Cour suprême va se prononcer le 30 juin en affirmant que la publication des Pentagon Papers, elle est justifiée en raison du premier amendement à la Constitution qui protège cette liberté de presse et parce que l'administration Nixon n'a pas réussi à démontrer que cette fuite aurait des répercussions irréversibles ou très dommageables sur la sécurité nationale des États-Unis. Un vote de 6-3. Et c'est ça qui va consolider la position des journaux et qui va aussi donner toute la légitimité au travail des journalistes sur cette question. Bon, alors, l'affaire se rendant en Cour suprême, il y a une injonction entre-temps, avant que ça se rende en Cour suprême, qui empêche le New York Times de poursuivre la publication des Pentagon Papers. Le Washington Post va décider de prendre le relais, de poursuivre donc la publication d'articles liés aux Pentagon Papers. On écoute Ben Bradley, le rédacteur en chef du Washington Post à l'époque, qui parle des principes qui étaient en cause, mais vous allez voir aussi des risques importants qui étaient liés à cette décision de poursuivre la publication des Pentagon Papers. Extrait de l'émission Fresh Air, diffusée au réseau NPR en 1995. Le fait de ne pas publier après la sortie de l'article du New York Times aurait relégué le Post au statut d'organisation pro-gouvernementale qui ne voulait pas défier le pouvoir, qui ne voulait pas se battre pour ses droits constitutionnels. Il me semble que nous aurions été considérés pour toujours comme un citoyen deuxième classe. Relegated us to sort of second class citizenship. Well, there were some interesting risks because, les risques, par contre, étaient intéressants. Si nous allions de l'avant malgré l'interdiction de publier, nous nous exposions à une poursuite au civil. Il faut savoir qu'aucun journal dans l'histoire du pays, on parle d'environ 190 ans, n'avait encore reçu d'ordre de non-publication. Il y avait donc là un merveilleux principe à défendre. L'autre chose est que si nous avions été condamnés, si le juge nous avait empêchés de publier quelque chose, l'administration Nixon, c'était assez évident, allait nous accuser au criminel pour avoir violé le code en publiant des données de sécurité nationale et confidentielle. Si nous avions été reconnus coupables de cela, il y aurait eu de graves conséquences. En tant que criminel condamné, vous ne pouvez pas posséder de chaîne de télévision. Le Post venait tout juste de faire son entrée à la Bourse de New York. Les actions avaient donc été mises en vente au public pour la première fois. Et tout ça, c'était sérieusement menacé. La décision de publier ou non n'a pas été facile à prendre. C'est assez fascinant, cet extrait de Ben Bradley. Ça nous montre évidemment la noblesse des principes défendus par le Washington Post quand il décide de poursuivre la publication, mais c'est tellement risqué sur le plan juridique, sur le plan financier. sur le plan de la crédibilité aussi. Parce que ça aurait voulu dire que les journalistes, en fait, lançaient des accusations et sapaient l'autorité gouvernementale d'une certaine façon. Alors, cette décision de la Cour suprême a tout changé. Et d'ailleurs, ça va relancer ce journalisme d'enquête aux États-Unis et éventuellement, ça va mener au Watergate. Ouais. Donc, cette idée des journaux comme rempart de la démocratie, des journalistes comme rempart de la démocratie, sera renforcée par cette décision de la Cour suprême dans l'affaire des Pentagon Papers. Et Ben Bradlee sera d'ailleurs de cet autre scandale du Watergate. Revenons à l'administration Nixon. Comment réagit l'administration à cette défaite en Cour suprême? Ben là, Nixon va décider de s'en prendre au lanceur d'alerte lui-même, à Daniel Ellsberg. Il va mettre en place d'abord une équipe qu'il va appeler les plombiers, donc pour colmater les fuites, qui d'autre que les plombiers, justement pour enquêter sur les fuites provenant de la Maison-Blanche. Qui est à l'origine de ça? Qui a accès aux documents? Donc, on va resserrer le secret, autrement dit, autour de l'administration. Nixon va aussi décider de mettre sous écoute des journalistes, des membres de sa propre administration qu'il soupçonne de donner des informations aux journalistes. Et il va surtout commettre une erreur qui va mener elle aussi au Watergate. Il y a beaucoup d'éléments dans les Pentagon Papers qui sont précurseurs du Watergate, c'est-à-dire le cambriolage du bureau du docteur Lewis Fielding, qui est le psychiatre de Ellsberg, en Californie. Donc, il va envoyer une équipe pour cambrioler le bureau de ce docteur-là en septembre 71 pour mettre la main sur le dossier médical d'Ellsberg en disant « on va avoir l'information là pour le discréditer en cours ». Et il va poursuivre effectivement Ellsberg et aussi Anthony Rousseau, qui est quelqu'un de la Rand Corporation, qui a aidé Ellsberg à photocopier les documents et va accuser ces deux hommes-là d'espionnage. Ils seront acquittés en 73 quand la Cour va apprendre le cambriolage du bureau du psychiatre. Et donc, tout ça là, va prendre des proportions et va augmenter la paranoïa de Nixon. Ouais, pas très joli, en tout cas, ça c'est certain. Quel impact ça aura, finalement, je repense à Pierre Salinger qu'on entendait il y a un instant, mais quel impact ça aura politiquement cette affaire-là? Il y en a vraiment beaucoup. D'abord, l'érosion rapide de ce qui restait du soutien à la guerre du Vietnam. Et on le dit à plusieurs reprises, la perte de confiance des Américains à l'égard de leurs institutions politiques, en particulier à l'égard de la présidence. Des journalistes qui vont adopter un ton beaucoup plus militant, qui vont s'activer davantage, qui vont vouloir faire du journalisme d'enquête en se disant « c'est sûrement pas le seul mensonge que celui de la guerre du Vietnam ». Ça va être embarrassant pour Nixon aussi parce que là, il se dit « même si je ne suis pas visé, tout ce que je vais dire sur le Vietnam ne sera pas cru ». Alors, ça va le mettre dans une position particulière. Et ce qui ne l'empêchera pas de remporter une victoire politiquement, au bout du compte. Politiquement, ça n'a pas d'impact sur Nixon parce que d'abord, il va réussir à aller en Chine, il va réussir à signer l'accord SALT avec l'URSS. Donc, la Cour avait raison finalement de dire que ça n'avait pas d'impact sur la sécurité nationale et il va être réélu avec une des plus grandes marges de l'histoire américaine en 1972. Donc, politiquement, ça n'affecte pas Nixon. En tout cas, pas à ce moment-là. Karine Prémont, professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, merci beaucoup. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.